Elle m'appelle Daddy, elle croit que je vais lui passer l'anneau. Mais jamais de la vie, la 09 est sur le bâton. Elle m'appelle Daddy, elle croit que je vais lui passer l'anneau, la faire monter dans quatre anneaux. Non, mais jamais d'avis. Elle peut être pour le négro, je tiens son petit cœur dans la mano. Elle a le cul d'un poney, dessin siliconé. Mais je l'ai barré, gros, tu connais. Je tape des rap, ta soudja connaît. Bloqué sur mon portable, pourtant elle est potable. Mais je pense qu'à faire de la monnaie, sans moins 8, gros, tu nous connais. Mais elle m'appelle Daddy, comme si j'allais la doter. Comme si pour elle j'avais le temps, mais jamais de la vie. Les verres corsés que je peux pas siroter. Et un avion de chasse que je vais pas piloter. Elle m'appelle Daddy, crois que je vais lui passer l'anneau. Mais jamais de la vie, la 09 est sous le bateau. 22, aha, 18, cara, sans moi, ocho, c'est les travaux. 22, aha, 18, cara, négo, si pas, c'est les tarots. Sans parachute à sauter, va voir ailleurs un mec comme moi, te nique la santé. Rien que je l'envoie chez mes histoires d'amour, elle veut tenter. Elle a vu que j'avais le numéro de copé d'Annie Sainte. Juste en fond d'écran, la petite est fêlée. Elle embrasse son écran quand elle me voit à la télé. M6 dans la beauvage, je l'ai jamais ramené au télo. Négocie pas, c'est les tarots, chef de chantier, gère les travaux. Mais elle m'appelle Daddy, comme si j'allais la doter. Comme si pour elle j'avais le temps, mais jamais d'avis. C'est vers corsé que je peux pas siroter. T'es un avion de chasse que je vais pas piloter. Elle m'appelle Daddy, elle croit que je vais lui passer l'anneau. Mais jamais de la vie, la 09 est sous le bateau. 22, aha, 18, cara, sans moi, ocho, c'est les travaux. 22, aha, 18, cara, négo, si pas, c'est les tarots. Toujours sur le chantier, les travaux. Ocho dans le bain, dans la zone. Toujours sur le chantier, les travaux. 22,